meuble, je n'arrive pas à louer. Et pourtant j'en ai connu plein d'autres de toute origine que des canonciers. Mais celle-là elle m'a ensorcelé, on m'avait pourtant dit de me méfier. C'est là, c'est la vie qu'il faut pas jouer, combien d'hommes ont essayé de la marier. Et c'est comment les manipuler. Revenez les compteurs à zéro, laisse-moi devenir ton super. Commence par me donner ton numéro, puis sois la mère de mes enfants. Avec moi jamais tu t'ennuies, tu vas crier de midi jusqu'à minuit. Et comme il faut pas réveiller les petits, on les laissera chez ta maman. Tu redonnes vie à tous les leggings. Chérie, donne-moi ta main, ressens le feeling. Mama e balaye, na lingi yo le kosa kanate. Soki moti mana yo ezo kopere, kopanga. Cette femme-là je n'arrive pas à l'oublier. Et pourtant j'en ai connu plein d'autres de toute origine que des canonciers. Mais celle-là elle m'a ensorcelé, on m'avait pourtant dit de me méfier. C'est là, c'est la vie qu'il faut pas jouer, combien d'hommes ont essayé de la marier. Ma chérie porte une étoile comme monsieur le chéri. Moi je ne veux pas que tu portes ma chérie. Ma chérie porte une étoile comme monsieur le chéri. Cette femme là je n'arrive pas à l'oublier. Et pourtant j'en ai connu plein d'autres de toute origine que des canonciers. Mais celle-là elle m'a ensorcelé, on m'avait pourtant dit de me méfier. C'est là, c'est la vie qu'il faut pas jouer, combien d'hommes ont essayé de la marier. Likamboni ni kokata nzemu boye. Mabanga isalami nanu te di. Zongisa. Dalida mama na Daju. Queen mother. Sokiyote nanyango. Juna Janana le grand prêtre. Depuis Tisikoyo. Frenglish, Takesh, Justinson. Les Mundé les Mouin. Kerby l'américain. Jise Sumula Mokoni. Adonis Sumula, Charles Tabou, petit détail mais grand dans l'esprit. Dani Sante, maestro yako sakana tete. Naza, tika makambo yaba deboja. Papa Kola, Darcy, Beji, Met James, Ndeko yama Kila, Rudy le Loxe de Belgique. Tout mon ami. Derrick Rek Naniska, Ndeko ya Brazzaville. Papa Lorenz, Okage ya Pariko. Gradir, Nabo Saliote, Mastanama. Nozo Lukela yo Kingo. Serge Ibaka, Mafouzi Men. Demetre Dizi ya Charisme. Tony Yoka, Masasi na Mabok. Boma Moutoué. Famille Sumbula na Kinshasa. X-Gangs, Jelas, Trésor Juna. Juna Family, Prince Dad, Fali, infatigable la merveille. Que Black Moutou toujours bazardé. Trop d'avance comme jet privé sur. Trouver la moyenne. Tricycle. Trouver la moyenne.